Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre horoscope de la semaine du 14 avril 2025. Je vous propose de découvrir tout de suite ce que les astres nous réservent en espérant que ce soit beau et doux. Voilà, démarrons tout de suite par nos amis les béliers. Et tout d'abord un très joyeux anniversaire aux béliers qui célèbrent leur anniversaire cette semaine et pour les autres encore un petit peu de patience. Bélier donc, dès vendredi, Mars stimule votre envie d'agir et d'obtenir des résultats concret, à profiter de cette énergie dynamique en prenant des initiatives audacieuses. C'est le bon moment pour cela. Côté relations au travail, vous fédérez les équipes, alors n'hésitez pas à collaborer avec d'autres, par exemple, pour atteindre vos ambitions plus rapidement. Taureau, selon Uranus et Saturne, vous progressez à pas de géant. Restez ouvert au changement et maintenez une attitude positive. Chaque étape compte. Vous ne faites pas ça en vain. Côté relations, côté cœur, lundi et mardi, Vénus, Mercure et Saturne pourraient combler une attente de longue date. Alors surtout, saisissez votre chance, c'est le moment de le faire. Gémeaux, à partir de vendredi, Mars de feu booste votre détermination et votre courage. Restez concentré sur vos objectifs pour en tirer le meilleur parti. Côté relations maintenant, et bien des frustrations affectives sont probables en ces jours. Prenez un nouveau chemin si nécessaire, s'entêter serait une perte de temps. Voilà. Continuez, poursuivez, et puis vous verrez de belles choses arriver. Cancer, dès vendredi, Mars et Pluton vous proposent d'améliorer vos finances, et ça fait du bien. Profitez de cette période pour évaluer peut-être quelques investissements. Côté relations, Vénus et Saturne apportent une véritable embellie à votre vie amoureuse. Avec l'amour à vos côtés, tout devient possible, et puis si vous êtes en solo, eh bien ouvrez l'œil. Lion, ce week-end, selon Mars et Neptune, eh bien votre énergie se renforce grâce à votre inspiration et votre intuition. Faites-le plein de bonnes ondes. Côté relations, dès mercredi, Mercure améliore votre humeur. Profitez-en pour accueillir le printemps avec le sourire et transmettez votre belle lumière. Vierge, dès vendredi, eh bien vous travaillez avec un petit peu moins d'entrain. Alors déléguez si possible à l'aube du week-end. Et puis voilà, si vous êtes commerçant et que vous ne pouvez pas déléguer, eh bien courage surtout. Côté relations, eh bien Vénus vous honore toute la semaine, vous avez une présence qui éclipserait même les top modèles, c'est dire comme vous vous irradiez de bonheur. Accueillez le succès sans trop vous poser de questions, c'est un doux moment à passer. Balance, dès vendredi, Mars en Lion redevient votre allié, ça fait du bien et ça déménage. Préparez-vous à canaliser cette énergie lumineuse pour en tirer le meilleur profit. Côté relations, ce week-end, quelques dissensions sont possibles. Privilégiez d'abord la diplomatie, même si votre sens de la justice est mis à mal. Scorpion, dès vendredi, méfiez-vous de l'adversité professionnelle ou financière. Sachez montrer les crocs pour ne pas perdre davantage. Côté relations, Saturne et Vénus vous proposent des retrouvailles entre amis ou en famille. Profitez de cette atmosphère harmonieuse pour partager de bons moments. Sagittaire, dès vendredi, alors Mars et Mercure sont en signe de feu et favorisent vos rendements. Oui, comptez sur votre esprit pétillant et votre détermination. Ce sera la clé de votre succès. Côté relations maintenant, eh bien les astres attirent votre attention sur votre famille ou un cercle intime de proches. Ne cherchez pas à avoir trop de monde, ils sont là sous votre main, profitez-en. Capricorne, démenez-vous jusqu'à jeudi parce que ensuite Mars vous fait défaut, alors vous peinerez davantage. Veillez juste à vous ressourcer avant de vous retrouver à plat. Et côté relations, Vénus et Saturne stabilisent votre vie amoureuse, ça fait du bien. Alors à votre planning, ajoutez quelques rendez-vous romantiques en tête à tête. Verseau, dès vendredi, Mars et Pluton vous stimulent face à l'adversité. Rien ne vous fait peur. Alors montrez de quel bois vous vous chauffez. Vous avez tous les atouts dans votre manche. Côté relations, à partir de mercredi, Mercure et Neptune vous récompensent, oui. Vous passez des rapports de force à des réconciliations chaleureuses, ouvrez-vous. Et enfin, amis poissons, dès mercredi, une bonne nouvelle financière peut vous amener à de nouveaux projets. Établissez donc un nouveau budget, on repart avec des balles neuves. Côté relations, Saturne et Vénus stabilisent vos rapports et rassurent votre cœur. Ayez confiance, côté communication, rien ne peut vous nuire, pas même un émoji mal interprété. Non. D'ailleurs, ce sont les émojis, appelons-nous et voyons-nous en vrai. Voilà, chers amis, c'était l'horoscope de la semaine. Alors encore un très joyeux anniversaire à ceux qui le célèbrent cette semaine. Je vous souhaite à tous tout le bonheur que vous méritez, bien entendu. Pour ceux pour qui c'est un peu plus difficile, on pense fort à vous. Accrochez-vous, les jours meilleurs arrivent. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, nous raconter ce qui se passe pour vous cette semaine, comment les astres influencent votre quotidien. vos aspirations peut-être. Et puis voilà, on se tient au courant. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles douces prévisions, je l'espère. D'ici là, portez-vous bien, on vous embrasse bien fort. Ciao.